mon amour, réveille-toi. Et du bout des doigts, au son de ma voix, le soleil éclaire ta peau. Par endroits, c'est bon, c'est chaud.